Chapitre 96. La Normandie, suite, ses champs et ses bestiaux. Un grand homme de l'Amérique disait, « Si l'on demande à quelqu'un quel est le pays qu'il aime le mieux, il nommera d'abord le sien. Mais si on lui demande ensuite quel est le pays qu'il voudrait avoir comme seconde patrie, il nommera la France. » Père Guillaume demanda encore Julien, « Y a-t-il de bonnes terres en Normandie ?»« Je le crois bien, petit. La Normandie est l'un des sols les plus fertiles de la France. » Nous avons des prairies sans pareil, où les nombreux troupeaux qu'on y élève ont de l'herbe jusqu'au ventre. C'est dans le Cotentin, dans mon pays, que chaque année on vient acheter les bœufs gras qui sont ensuite promenés à Paris, et qui sont bien les plus beaux qu'on puisse voir. Les chevaux normands, dont la ville de Caen fait grand commerce, sont connus partout. Nos moutons de pré salé sont célèbres. Tu sais, petit Julien, on les appelle ainsi parce qu'ils paissent des herbes que le vent de la mer a salées. Enfin, mon ami, nos fermières font du beurre et des fromages, que tout le monde se dispute. Nous envoyons par millions en Angleterre les œufs de nos basses-cours, et nos belles poules de crève-cœur sont une des races les plus estimées. La campagne est tout ombragée d'arbres fruitiers, de pommiers qui nous donnent un excellent cidre, de cerisiers dont les bonnes cerises approvisionnent l'Angleterre. Que veux-tu que je te dise, Julien? La Normandie est une des provinces les plus riches et les plus fertiles de notre France. Mais Père Guillaume, quelle est donc entre toutes la plus fertile? M. Gertal m'a répété que la Bourgogne est sans pareil. Toulouse a des plaines couvertes de blé. Mon oncle France, en me faisant voir Bordeaux, m'a expliqué que ces vins sont les premiers du monde. Mais avec tout cela, je ne sais pas laquelle de toutes ces provinces-là il faut mettre la première. Petit Julien, dit le Père Guillaume en souriant, il n'est pas facile de donner ainsi des places et des rangs aux choses. Demande à un jardinier quelle est la plus belle des fleurs. Il sera bien embarrassé. Mais en revanche, il te dira que le plus beau des jardins, c'est celui où il y a les plus belles et les plus nombreuses espèces de fleurs. Eh bien, petit, la France est ce jardin. Ces provinces sont comme des fleurs de toutes sortes, entre lesquelles il est difficile de choisir, mais dont la Réunion forme le plus beau pays, le plus doux à habiter, notre patrie bien-aimée. Et maintenant, n'oublions pas que c'est sur notre travail à tous, sur notre intelligence et notre honnêteté, que repose l'avenir de cette patrie. Travaillons pour elle sans relâche, fièrement et courageusement. Tant vaut l'homme, tant vaut la terre. Père Guillaume, voulez-vous que je vous lise ce que dit mon livre sur les grands hommes de la Normandie? De tout mon cœur, mon enfant. Si je ne le sais pas, cela me l'apprendra. Il est bon de s'instruire à tout âge. Et si je le sais déjà, je serai content de l'entendre encore, car il est agréable d'écouter l'histoire de ceux qui se sont rendus utiles à leur patrie et à leurs concitoyens. Bœuf du Cotentin. Les bœufs du Cotentin sont de haute taille, avec une robe brune rayée de noir. Cette race est excellente pour l'engraissement. Les vaches normandes sont renommées comme laitières. Coq de crève-cœur. C'est un coq magnifique. Sa crête est ornée de deux cornes. Sa tête porte une huppe de belles plumes qui sont, comme le reste du plumage, d'un noir lustré. Les poules de crève-cœur sont excellentes pour l'engraissement, un peu moins bonnes pour la ponte. Cette espèce fournit les plus belles et les plus fines volailles des marchés de Paris.